sans la pluie comme un été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sentant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Thank you.